45. Le tir et le cimetière. À la vue du cimetière, estaminé. Singulière enseigne, se dit notre promeneur, mais bien faite pour donner soif. À coup sûr, le maître de ce cabaret sait apprécier Horace et les poètes, élèves d'Épicure. Peut-être même connaît-il le raffinement profond des anciens Égyptiens, pour qui il n'y avait pas de bon festin sans squelette ou sans un emblème quelconque de la brièveté de la vie. Et il entra, but un verre de bière en face des tombes et fuma lentement un cigare. Puis, la fantaisie le prit de descendre dans ce cimetière dont l'herbe était si haute et si invitante et où régnait un si riche soleil. En effet, la lumière et la chaleur y faisaient rage, et l'on dit que le soleil, ivre, se vautrait de tout son long sur un tapis de fleurs magnifiques engraissées par la destruction. Un immense bruissement de vie remplissait l'air, la vie, des infiniment petits, coupé à intervalles réguliers par la crépitation des coups de feu d'un tir voisin qui éclatait comme l'explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d'une symphonie en sourdine. Alors, sous le soleil qui lui chauffait le cerveau et dans l'atmosphère des ardents parfums de la mort, il entendit une voix chuchoter sous la tombe où il s'était assis. Et cette voix disait « Maudites soient vos cibles et vos carabines, turbulents vivants, qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin repos. Maudites soient vos ambitions, maudits soient vos calculs, mortels et impatients, qui venez étudier l'art de tuer auprès du sanctuaire de la mort. Si vous saviez comme le prix est facile à gagner, comme le but est facile à toucher, et combien tout est néant, excepté la mort, vous ne vous fatigueriez pas tant, laborieux vivant, et vous troubleriez moins souvent le sommeil de ceux qui depuis longtemps ont mis dans le but, dans le seul vrai but, de la détestable vie. »